nous a fait tant ce soir. J'ai envie de manger un cassoulet. J'ai envie de manger c'est une voix de pétasse. FKBN. Bon, on va voir les autres serveurs parce qu'il n'y a personne là. On se fait chier.